Alors, il est 18h sur CKRL au 89,1. C'est François Grégoire qui vous parle. Alors, l'heure de la chronique nutrition avec notre chroniqueuse nutritionniste, Karine Gravel. Bonjour, Karine. Bonjour, François. Alors, Karine, aujourd'hui, tu as choisi un drôle de sujet. Tu veux nous parler du nom et de la couleur des aliments qui nous jouent des tours. Oui. Tu nous apportes ça à travers deux études. La première étude concerne les noms de légumes qui ont été modifiés pour les rendre plus amusants, ce qui a créé une augmentation de leur consommation. Oui, c'est assez amusant comme étude. Ça a été réalisé auprès d'enfants new-yorkais qui ont mangé davantage de légumes seulement parce que leur nom avait été modifié pour les rendre plus amusants. Intéressant. Oui, donc les chercheurs avaient fait le même genre d'étude auprès d'adultes auparavant dans une cafétéria. Et ce qu'ils avaient fait, c'est que le nom des aliments les plus nutritifs de la cafétéria avait été modifié pour les rendre plus attrayants et plus appétissants. Et ce qu'ils avaient observé, c'est que la consommation des aliments plus nutritifs de la cafétéria avait augmenté de 28%. Donc, on peut aussi nous-mêmes penser au nom des plats dans les restaurants. Par exemple, si on lit sur le menu « cylindre de carottes du jardin », ben c'est plus attrayant que « morceau de carotte », hein, même si c'est exactement la même chose. On le sait, mais c'est plus le fun. C'est spécial, hein? Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et comment, en fait, les chercheurs ont réalisé cette étude auprès des enfants? Bien, en fait, c'est deux études qui ont permis de mieux comprendre d'abord les noms amusants augmentaient vraiment la consommation de légumes auprès des enfants et aussi de savoir si cette augmentation-là, elle persistait dans le temps. Donc, si c'était un changement qui était durable. Oui, c'est ça, c'est important. Ben oui. Alors, au cours de la première étude, les choix de légumes de plus d'une centaine d'enfants de 8 ans à 11 ans ont été compilés à la cafétéria de leur école. Donc, la cueillette de données se déroulait sur 3 jours de la semaine. Donc, le lundi et le vendredi, les carottes étaient servies selon leur nom habituel. Donc, c'était seulement inscrit le mot « carotte ». Ensuite, le jeudi, les mêmes carottes étaient nommées de 3 façons différentes. Donc, encore une fois, on retrouvait le nom « carotte ». On retrouvait aussi le nom « légumes du jour » ou encore le nom « carotte à rayon X ». Ce qui est très particulier, là. Très spécial. Oui, c'est ça. Donc… J'imagine qu'on se doute de ce qui s'est passé. Bien, l'hypothèse a été confirmée. Hein. Les enfants qui avaient choisi seulement les carottes qui s'appelaient carottes ont mangé 35% de la portion qui leur était servie. Ah et bon, okay. Pour la portion légumes du jour, les enfants en ont mangé là, à peu près la même quantité, le 32% de la portion. Okay. Et le plus intéressant, vous me voyez venir, c'est que les enfants ont mangé 66% de la portion de carottes à rayon X qui était servie dans leur assiette. C'est 2 fois plus, ça. Oui, donc autrement dit, c'est ça. Pour les mêmes carottes, les enfants ont mangé plus de la moitié de la portion de carottes à rayon X versus le tiers de la portion là, pour le même légume nommé carotte ou légume du jour. C'est vrai que légume du jour, ça fait aussi banal. Hein? C'est plate. Hein? C'est plate, hein? Légume du jour. Ouais. On ne dit même pas quel jour en c'est plus. C'est presque un reste. Et la deuxième étude a permis de voir si cette augmentation de la consommation de légumes persiste dans le temps. Oui. Donc, cette étude-là a été réalisée, là, on s'en doute, à plus long terme, toujours dans 2 écoles primaires de New York, sur une période de 2 mois. Donc, pour l'une des écoles, les enfants avaient encore la possibilité de manger des carottes à rayon X, mais cette fois-ci, ils pouvaient aussi manger du brocoli nommé brocoli super énergie et des haricots verts nommés Monsieur Haricot Rigolo. Donc, au courant du premier mois, les légumes portaient leur nom habituel, c'est-à-dire qu'ils s'appelaient carotte, brocoli ou haricot vert. Et au courant du deuxième mois, ben là, les légumes de la cafétéria portaient leur nom plus amusant et plus attrayant. Et pour la deuxième école, les légumes portaient toujours leur nom habituel, donc carottes, brocolis ou haricots verts, et ils servaient de point de comparaison là, pour la première école. Comme on dit, c'était le groupe témoin. Ça. Exactement. Et en fait, qu'est-ce que les chercheurs ont observé? Bien, c'est assez incroyable. Au cours du deuxième mois de l'étude, la consommation de carottes à rayon X, de brocolis super énergie et de Monsieur Haricot Rigolo a augmenté de 99% comparativement au premier mois où les légumes étaient nommés selon leur nom habituel. Et pour l'école qui n'avait pas changé le nom des légumes et qui servait là, d'école témoin, la consommation de légumes a même diminué de 16%. Oh. Donc, ce sont des résultats intéressants qui montrent qu'avec un peu d'imagination, on peut contribuer là, à augmenter la consommation de légumes auprès des enfants. Et même auprès des adultes, si on se fie aux études précédentes des chercheurs et aussi au nom des aliments dans les restaurants? Oui, et même que les chercheurs dans cette étude-là mentionnent que les noms des légumes ont été trouvés sans vraiment trop d'efforts et surtout gratuitement ou presque. C'est un adolescent qui travaillait à la cafétéria qui a écrit les noms sur des petits cartons. Ah, donc, bon? Ça pourrait facilement être implanté là, dans les cafétérias des écoles assez facilement. Donc, on le voit, les noms des aliments nous jouent des tours, mais tu as aussi une autre étude à nous rapporter. Où là, ce sont les couleurs qui nous jouent des tours. De quoi s'agit-il? Oui. En fait, c'est lors d'un congrès que j'ai découvert cette étude-là qui a été réalisée par des chercheurs de l'Espagne et de l'Angleterre et qui montre que la couleur influence nos perceptions des goûts sucrés et acides et aussi notre appréciation avant et après avoir goûté un jus d'orange. Et comment les chercheurs ont-ils fait pour mesurer les perceptions? Oui. Donc, dans une première partie de l'étude, les chercheurs ont offert trois échantillons de jus d'orange à des consommateurs. Donc, les échantillons étaient composés d'un jus d'orange commercial témoin de couleur orange, le normal, et le même jus était coloré en laboratoire pour lui donner une couleur rougeâtre ou une couleur verdâtre. Donc, c'est important de savoir que le goût était identique entre les trois échantillons de jus, même après avoir été coloré. Et ensuite, les consommateurs devaient déterminer s'il y avait une différence des goûts sucrés et acides entre les trois jus d'orange, mais seulement en les regardant. OK. Et quel résultat est-ce qu'ils ont obtenu? Mais pour le goût sucré, les trois échantillons de jus ont été jugés de la même façon par les consommateurs. Autrement dit, il n'y avait pas de différence dans leur évaluation là, des échantillons. Mais les consommateurs ont perçu le jus d'orange verdâtre plus acide que le jus d'orange témoin, celui qui était orange. Pourtant, le goût était identique. Et il y a aussi une deuxième partie à cette étude, je comprends bien. Oui, c'est ça. Dans la deuxième partie, les chercheurs ont évalué l'appréciation visuelle et gustative des jus d'orange, c'est-à-dire avant et après y avoir goûté. Donc, les consommateurs ont préféré le jus d'orange rougeâtre comparativement au jus d'orange témoin ou verdâtre. Et l'explication des chercheurs, c'est que la couleur rouge est associée à la fraîcheur du jus fraîchement pressé. Donc là, il faut se rappeler que l'étude est en Espagne aussi. Hein? Oui, c'est ça. Le soleil et tout ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, entre les trois jus, donc celui qui était orange, le rougeâtre ou le verdâtre, il n'y avait pas de différence dans l'appréciation au niveau du goût. Et finalement, avec des analyses supplémentaires, les chercheurs ont comparé l'appréciation visuelle et l'appréciation du goût. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Mais le goût des jus d'orange témoin, donc celui qui était orange et celui qui était verdâtre, était supérieur à leur appréciation visuelle. Autrement dit, après y avoir goûté, les jus orange et verdâtre étaient davantage appréciés comparativement à leur appréciation visuelle. Donc, en conclusion, cette étude démontre encore une fois que les consommateurs sont influencés par la couleur des jus d'orange dans ce cas-ci. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, on sort de ces études-là. En fait, cette étude sur les jus d'orange me fait penser à un atelier de dégustation que j'avais animé avec des participantes de recherche. Donc, les participantes devaient goûter à trois sortes de yogourts. Alors, on avait un yogourt nature, un yogourt aux fraises et un à l'érable. Et à l'inverse de l'étude avec les jus d'orange, les yogourts étaient tous colorés en rose. Donc, ils avaient tous la même couleur. Donc, c'était amusant de tromper sa perception visuelle puisque quand on goûte un yogourt rose, on ne s'attend pas à ce qu'il goûte l'érable ou à ce qu'il goûte le yogourt nature. Donc, ça faisait des drôles d'expressions là, auprès de mes participantes de recherche. Donc, c'est un peu pour montrer qu'on goûte avec nos yeux hein, avant de mettre un aliment en bouche. On s'attend à ce que ça goûte certains certaines goûts. Choses. C'est ça, exactement. Mais je trouve ça très intéressant. Ouais. Et je me suis demandé, Karine, est-ce qu'on pourrait même appliquer ça en famille, par exemple? Parce qu'on sait que les enfants n'aiment pas beaucoup manger des légumes. Est-ce qu'on pourrait appeler des carottes Michael Jackson? Pourquoi pour les pas? Faire apprécier nos enfants. Peut-être qu'on pourrait trouver un chanteur plus populaire auprès des enfants aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est ça, c'est plus peut-être qu'ils ne connaîtront pas. mais oui, il y a des petits trucs comme ça aussi. Hein, tu sais, juste la façon de présenter les fruits, les légumes. Je me souviens avec mon neveu et ma nièce, quand ils étaient plus jeunes, on avait préparé des brochettes de fruits. Ah ben là, c'était la folie des fruits. Là, c'était tellement beau. Non, c'est juste ça. La façon... La présentation c'est aussi, c'est les couleurs, oui. Mais les couleurs. Puis même dans les desserts aussi, on a énormément de façons aussi de présenter les desserts. Oui, aussi, hein? C'est sûr que ça demande un petit peu de temps aussi. Ben alors, c'est très intéressant et peut-être, en fait, c'est peut-être un principe qui est repris dans la conception des emballages alimentaires ou des publicités. Oui, tout à fait. Il y a une dimension marketing dans ça qui est très importante. D'ailleurs, les chercheurs là, de la première étude là, sur le nom des légumes, ce sont des gens qui travaillent en marketing principalement. Sûrement. Oui, oui. C'est sûr qu'il y a un aspect psychologique à ça, mais... Pour qu'on les achète davantage. Bien sûr. Et ça, c'est très étudié, oui, effectivement. Oui, oui. C'est pas le fruit du hasard. Non, non, non, pas du tout. C'est très intéressant comme étude. Bien, merci beaucoup, Karine. C'était vraiment très intéressant. Bien, merci, François. Et après ces questions de goût et de couleur, on va mettre un peu de musique dans nos oreilles. On passe en musique à l'écoute de CKRL 89,1. Et après, on va entendre Valérie avec deux actualités scientifiques.